Mes parents, sachez-le, j'ai fini d'entrer dans le jeu. On ne vit plus en 1900, on n'a plus peur des sentiments. Aujourd'hui, je quitte la ronde, aujourd'hui, je me mets au monde. J'ai fini de vous épargner avec de fausses fiancées. Ne demandez plus à quel âge je vais penser au mariage. Les Juliettes que vous m'inventiez s'appellent Pierre, Jacques, André. J'aime comme vous n'avez jamais aimé. Oui, j'aime, l'important n'est pas qui l'on aime. Vous m'avez rendu malheureux avec vos principes démodés, avec vos jeux de société. Vous avez caché mon enfance en me saturant de vieille France. Vous désiriez un vrai garçon, un étalon à votre façon, qui tréglerait dans la cuisine une souillon de magazine et qui vous ferait deux, trois enfants pour vous distraire de temps en temps. Oui, j'aime comme vous n'avez jamais aimé. L'important n'est pas qui l'on aime, mais d'aimer. Mes parents, sachez-le, ça ne me rend pas très heureux de voir que vous ne comprenez pas, de vous voir dans cet état-là. Oh mes parents, quelle bêtise d'avoir si peur de la franchise. Comment pouvez-vous accepter que je continue à tricher et que pour plaire à la voisine, je me tape des amours familiers, attendant que les gens du quartier aient bien voulu être en lueur. Mes parents, je le sais. Maintenant, je vous suis étranger. Et vous parlez de maladies, de docteurs et de psychiatrie. Et même de mauvaises influences. Vous recherchez dans mon enfance comment j'en suis arrivé là, puisqu'on ne m'a pas élevé comme ça. Oui, vraiment, c'est une bêtise de vous parler avec franchise. J'attendrai deux générations pour vous rechanter ma chanson. Oui, j'aime comme vous n'avez jamais aimé.